Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho. Et aujourd'hui, nous allons aborder un phénomène psychologique aussi fascinant que complexe, le syndrome de Stockholm. Oui, et ce terme désigne une situation où des victimes de kidnapping, par exemple de prise d'otage ou d'emprise, développent un lien émotionnel, voire une certaine loyauté envers leurs agresseurs. Alors, pour en discuter, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Christine Calonne, experte en psychologie, et elle va nous aider à comprendre un petit peu les mécanismes derrière ce syndrome, ses causes et ses manifestations. Christine Calonne, bonjour. Bonjour Émilie. Merci d'être à nouveau avec nous pour nous éclaircir sur ces sujets voilà, fascinants et complexes, hein, on l'a dit. Alors pour démarrer, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le syndrome de Stockholm et dans quel contexte a-t-il été observé pour la première fois? Alors, le syndrome de Stockholm, c'est un phénomène qui a été identifié suite à un braquage à Stockholm dans une banque. C'était en 1973. Et les agresseurs, eh bien, ont été coincés par les forces de l'ordre dans la banque. Ils se sont réfugiés dans la salle des coffres avec les otages pendant plusieurs jours. Et pendant ces quelques jours, eh bien, on a pu observer un phénomène très étrange de sympathie, de complicité, d'empathie qui se sont des sentiments qui se sont créés chez les otages vis-à-vis des agresseurs. Et donc, cette complicité, eh bien, finalement, elle a amené à des comportements encore plus étranges, puisque il y a eu une négociation avec les forces de l'ordre pour sortir de la banque, et les otages sont sortis en premier, formant un bouclier humain pour protéger les agresseurs. Ensuite, à la séparation, eh bien, ils ont pris l'avion, ils avaient réclamé des armes, un avion, etc., de l'argent, bien sûr. Et donc, tout ça, eh bien, ça a été accordé et ils se sont salués, ils se sont embrassés pour se dire au revoir. Ensuite, ils ont été pris par les forces de l'ordre et au tribunal, eh bien, les otages ont pris la défense de leur agresseur, ils ont payé un avocat et ils ont rendu visite à leur agresseur en prison. Et donc, depuis lors, eh bien, il y a eu beaucoup de réflexions sur ce sujet pour essayer de comprendre, tiens, comment peut-on expliquer ces attitudes des otages vis-à-vis de leur agresseur? Et on a mis en évidence des mécanismes psychologiques bien spécifiques qu'on repère évidemment dans d'autres situations similaires. Ce que j'allais vous dire, puis là, effectivement, donc c'est la première fois qu'il y avait un exemple comme ça, voilà, la première fois qu'on a découvert ça au grand jour, puisqu'il y avait justement cette sortie médiatique, etc. C'est quand même assez incroyable, et puis de voir que ça fonctionne sur le collectif. Vous parliez de mécanismes, quels sont les mécanismes psychologiques qui expliquent que les victimes puissent développer comme ça de l'empathie, voire de l'attachement envers les agresseurs? Eh bien, ça s'explique par le fait que la personne est en survie, puisque l'agresseur menace de mort la victime, et quand un individu est menacé de mort ou se sent en danger de mort, que ce soit réel finalement ou pas, eh bien, c'est un mécanisme de survie qui se met en route au niveau du cerveau reptilien. Donc, l'amygdale signale le danger au niveau du cerveau. Et l'information est envoyée au cerveau reptilien qui déclenche des comportements de survie. Et dans ces comportements de survie, eh bien, on peut observer ce mécanisme vraiment psychologique qui consiste à idéaliser l'agresseur. C'est un déni finalement de la réalité pour se protéger d'une peur intense, le danger de mort imminente qui peut, chez certains individus d'ailleurs, dans les situations de guerre, etc., amener à la mort physique. Le cœur peut lâcher. Par exemple, si on a trop peur, on peut mourir de peur. Et donc, notre cerveau est bien fait puisque là, il nous protège d'une mort réelle finalement, en ayant des mécanismes de survie, notamment l'idéalisation de l'agresseur. Et ça s'accompagne donc d'un déni. On ne veut pas voir la réalité, on ne peut pas voir la réalité, heureusement, pour se protéger. Et du coup, on déclenche aussi des comportements de protection vis-à-vis de l'agresseur. On va l'excuser, on va essayer de le comprendre et on va même parfois adopter certains de comportements de l'agresseur pour se protéger et protéger l'agresseur. Oui, on l'expliquait, donc effectivement, il y a ces questions de situations de prise d'otage, et vous l'expliquez, ça peut aussi se décliner dans d'autres situations comme des relations abusives, par exemple, au sein d'une famille. Et donc, on observe également ce même mécanisme qui se met en place dans le quotidien. Comment ça se met en place et dans le temps, c'est comment vous l'expliquez? Alors, donc dans une famille où il y a un parent, par exemple, qui est dominateur, violent, manipulateur, et qui a des comportements d'emprise, eh bien, on peut observer aussi bien chez l'autre parent que chez les enfants, eh bien, ces mêmes comportements de survie, l'idéalisation de l'agresseur, le déni, et des comportements de protection de l'agresseur. Donc, c'est quelque chose qui s'installe dès qu'il y a une perception du danger vital, on va dire, et donc ça s'observe dans le quotidien par le fait que, par exemple, le conjoint qui est victime va dire « oui, mais il a agi comme ça sous l'effet de l'alcool, c'est parce qu'il a eu des problèmes ». Oui, des excuses. Des excuses, voilà. Oui. Donc, on observe toute une série de comportements similaires aux comportements des otages de la banque à Stockholm dans une famille où il y a ces mécanismes de séquestration, on va dire, puisque les otages ont été séquestrés. Donc, si l'un des parents est dominateur, il va isoler la famille, il va couper la famille du monde extérieur pour renforcer son emprise et affaiblir les défenses psychologiques, les ressources des victimes, aussi bien les enfants que le parent victime. Et dans cet état d'affaiblissement, il va les endoctriner. Donc cet endoctrinement est très important et évidemment, il ne marche que si on ne connaît pas la manipulation, si on est en insécurité, tout le monde ne va pas se laisser endoctriner. Donc, ce sera la question suivante, d'ailleurs, la question du profil. Hein, mais en tout cas, chez les enfants, là, c'est très différent parce qu'ils grandissent là-dedans et donc sont beaucoup plus susceptibles encore de développer le syndrome de Stockholm parce qu'ils sont vraiment dépendants du parent dominateur et violent. Et donc, le rejet de ce parent est une question vitale pour eux. S'ils se sentent rejetés, si le parent dominateur les rejette, ils sont totalement à sa merci, donc ils sont en danger vital. Et donc, ils ont tendance à protéger l'agresseur par des mécanismes de survie. Mais ça peut aussi s'observer, bien sûr, chez l'adulte qui est victime de la même manière. Oui. Donc vous disiez, c'était la question qui arrivait après, effectivement, quels sont les signes les plus courants de quelqu'un qui souffre du syndrome de Stockholm ? Bien, les signes les plus courants, donc, c'est excuser l'agresseur. Ça, c'est vraiment un signe caractéristique. La victime protège l'agresseur, donc, en évoquant des causes externes. Et donc là, il y a vraiment un mécanisme aussi psychologique important, c'est le clivage. Donc l'agresseur, il va adopter un discours où le monde extérieur est mauvais et lui, il a bien sûr les solutions, il sait ce qui est bon pour l'autre et donc finalement il l'endoctrine par des techniques comportementales, émotionnelles, psychologiques, il endoctrine la famille et c'est un peu comme ce que l'on observe dans une secte. Hein. Donc là, dans la secte, il y a le gourou qui sait pour la secte ce qui est bon pour elle et le monde extérieur est mauvais. Et donc, il y a un phénomène d'indifférenciation, de fusion émotionnelle. Ça, c'est aussi très important, cette fusion entre l'agresseur, qu'on appelle la sympathie. Hein, donc, cette sympathie qui fait que finalement, on fait bloc contre le monde extérieur qui est mauvais. Et dans une famille avec un parent malveillant, un parent dominateur et destructeur, eh bien, c'est exactement la même chose. Oui. Et pareil, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, mais quels sont les profils qui sont le plus susceptibles justement de tomber dans ce piège-là ? Oui, donc les profils les plus susceptibles de tomber dans le piège, justement, ce sont des personnes qui ont des traumas déjà installés depuis l'enfance. Donc, ce qu'on appelle un trauma, c'est une situation où on a été impuissant, un peu comme les otages dans la banque étaient impuissants, hein, sous la menace, donc séquestrés. Donc, cette impuissance apprise, elle a été étudiée par Seligman, un chercheur un neuroscientifique qui a bien observé dans les études sur l'animal et les effets de finalement de l'enfermement, de la violence, que l'animal développe une impuissance à prise. S'il reçoit des chocs électriques pendant un certain temps, qu'il est enfermé dans une cage, le jour où on ouvre la cage, eh bien, cet animal ne sortira plus de la cage. C'est ce qu'on a appelé, ce que Seligman a appelé l'impuissance à prise. Et si on a vécu ça déjà dans son enfance, eh bien, on a tendance à la dissociation du corps, à ne plus percevoir les signaux avant-coureurs de l'emprise, de la violence. Et donc, on est un peu en état de figement. Le corps est figé et ne repère plus la violence. Et donc, la victime a une tendance à l'impuissance à prise et ça s'accompagne d'un manque d'estime de soi, d'une tendance à culpabiliser. Et l'agresseur va utiliser ces failles-là. Il va utiliser la perte d'estime de soi, la culpabilité. Donc, il va la renforcer, culpabiliser la victime, dévaloriser la victime et faire en sorte qu'elle se sente encore plus impuissante qu'elle ne l'est déjà. Donc ouais. Ça, c'est des caractéristiques vraiment typiques. On peut aussi observer une tendance au perfectionnisme. Le perfectionnisme qui est une façon aussi finalement de se protéger de blessures émotionnelles. Donc on cherche à être parfait aux yeux de l'autre pour être aimé, pour être reconnu. Et c'est souvent des personnes qui n'ont pas justement été reconnues pour elles-mêmes, qui ont vécu des traumas dans l'enfance et donc ils se sont adaptés à la situation en devenant très perfectionnistes au détriment finalement d'elles-mêmes. Donc elles ne s'aiment pas, elles ne se reconnaissent pas de la valeur, elles attendent de l'autre la reconnaissance et donc là elles sont particulièrement vulnérables par rapport à des individus dominateurs, manipulateurs qui exercent une emprise. Donc, c'est aussi une caractéristique de profil de victime, malheureusement, qui vont être manipulables. Ouais, les personnes qui ont de l'empathie aussi, peut-être ou... Là aussi, l'empathie. Je veux dire, une empathie qui se fait au détriment de soi. Ouais. L'empathie, c'est une qualité, ça je le dis souvent aux personnes qui se dévalorisent d'être empathiques parce qu'elles ont vécu des situations comme ça. Je leur dis non, votre empathie n'est pas quelque chose de négatif. Le problème, c'est quand on est empathique envers l'autre au point de ne plus avoir d'empathie pour soi. Et donc, l'empathie en soi n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est quand on a oublié l'empathie pour soi. Et souvent, l'empathie pour soi n'est pas là parce qu'on a des traumatismes de l'enfance. Donc, on a vécu l'impuissance, on a vécu une dévalorisation importante de la violence, des négligences, des abus émotionnels, des abus sexuels. Ça fait partie des causes profondes qui font qu'on a développé un profil comme ça. Et il est important de s'en rendre compte, je veux dire, pour travailler sur soi, restaurer la sécurité, la puissance intérieure, l'estime de soi, se libérer de cette culpabilité excessive et prendre soin de ses besoins pour ne plus avoir cette problématique des limites parce qu'on n'a pas assez d'empathie pour soi, on ne sait plus finalement sentir quelle est la différence entre ses besoins propres et les besoins de l'autre. On est attentif qu'aux besoins de l'autre et à ce moment-là, on est manipulable. Très bien, merci beaucoup. Et quels sont les effets à long terme justement du syndrome de Stockholm sur les victimes et comment peuvent-elles faire pour s'en libérer une fois hors du contexte de captivité ou hors du contexte de la violence, parce que souvent, on le sait, c'est des séquelles que les victimes peuvent traîner même dans le temps, même hors contexte. Oui, bien sûr, c'est très important, le stress chronique qui se développe dans une relation où on se sent constamment en danger. Déjà dans le passé, il y a des traumas qui nous ont mis dans un état d'hypervigilance. L'hypervigilance donc, qui se traduit par le fait d'être tout le temps actif, attentif, trop attentif à tous les signaux de danger. On a une vision en tunnel, donc on va chercher où est le danger. On va tout le temps penser pour essayer de repérer le danger. Donc cette hypervigilance, elle s'accompagne d'un stress chronique. Et le stress chronique, eh bien, ça épuise nos surrénales. Et quand les surrénales sont épuisées, parce qu'on a sécrété trop d'adrénaline, on tombe en burn-out. Et donc le burn-out, c'est un des effets du stress chronique chez les victimes. Et ce burn-out fait que finalement, on n'a plus l'énergie pour agir, pour sortir de l'emprise. Et ça, c'est vraiment un très gros problème. Parce que quand on n'a plus l'énergie, on ne sait plus avoir accès aux ressources pour s'en sortir. Donc, le burn-out est vraiment une des conséquences de ce stress chronique chez les victimes. Et il va se traduire donc par l'absence d'énergie, mais aussi par le fait de ne plus savoir se concentrer, de ne plus avoir de mémoire. On est plutôt constamment en train de compenser par toutes sortes de moyens pour avoir de l'énergie, mais de façon pas efficace. Et donc, ça, c'est le burn-out, et ça peut aller vraiment très loin. Le burn-out, on est finalement dans son lit, on ne sait plus sortir de son lit. Et ça, c'est vraiment l'épuisement physique. Et puis alors, si ce n'est pas traité, on évolue vers la dépression. Et là, la dépression, ce n'est pas seulement une fatigue physique, mais ça devient une fatigue aussi mentale. Donc, cette fatigue mentale qui fait qu'on a perdu l'espoir, on est désespéré. Et ce désespoir s'accompagne d'un sentiment de honte, de culpabilité, de la tristesse. On est dans une sorte de brouillard aussi, où on ne voit plus clair, on est confus. C'est lié aussi, bien sûr, à la manipulation. Et donc, la dépression, peut amener à perdre toute capacité à prendre soin de soi au point, finalement, d'en arriver à se suicider. Donc, ça, c'est les effets à long terme. Et les maladies auto-immunes, les maladies de l'immunité sont les conséquences aussi d'un stress chronique. Donc, vraiment, ça peut aller très loin. Et donc, c'est vraiment pas quelque chose de bénin. C'est vraiment à prendre au sérieux, aussi bien pour la victime que par rapport à l'entourage qui observe ça et qui voit des choses qui ne vont pas. Eh bien, c'est important, sans être interventionniste, d'aider. Et là, on en vient à la dernière question, comment aider ? C'est ça. Comment les professionnels de santé traitent ce genre de situation ? Comment elles traitent les personnes qui souffrent de ce syndrome-là ? Est-ce qu'il y a des thérapies spécifiques, par exemple ? Oui, c'est très important d'aller vers des thérapies qui sont à la fois verbales, mais aussi psychocorporelles, parce que comme je viens de le dire, le trauma est inscrit dans le corps. Et donc, si on ne fait que de la verbalisation, on ne va pas sortir de cette impuissance apprise. Et aller vers des personnes qui peuvent donner de la sécurité, au niveau psychocorporel, c'est la première chose. Donc, par exemple, quand on travaille en psychocorporel, dans les thérapies sur le trauma, on va d'abord apprendre à sécuriser le corps, donc avec des outils concrets comme la cohérence cardiaque, l'activation du nerf vague, apprendre à repérer les ressources dans son environnement pour s'apaiser. Si on est dissocié du corps, c'est mieux d'avoir d'abord des ressources externes, par exemple, écouter une musique apaisante, avoir un toucher agréable, caresser son chat ou contacter un environnement qui nous apaise. Toutes ces ressources externes, ça peut aider quand on est en état dissociatif. Et puis, quand on peut s'apaiser au niveau du corps et avoir plus de sécurité psychologique, eh bien, on va aller chercher au niveau du corps, les ressources internes, et on va se rappeler de souvenirs agréables qui nous apportent davantage encore la sécurité. Et plus la sécurité est là, plus on a de l'énergie, plus on est capable de se libérer de l'emprise. Au niveau verbal, il y a une attitude spécifique, ne pas être silencieux, parce que finalement, ça répète le silence de l'agresseur qui ne veut pas dialoguer, qui ne veut pas communiquer. Donc, avoir un interlocuteur en face de soi qui veut bien dialoguer, c'est très important. Mais sans être interventionniste, sans dire au patient ce qu'il doit faire, évidemment. Donc, trouver un juste milieu entre le silence et l'interventionnisme. Donc, c'est une attitude spécifique à avoir au niveau de la relation d'aide, au niveau verbal, et ça va se traduire par une écoute active. Donc, aider la victime à retrouver son esprit critique, c'est par elle-même qu'elle va trouver les solutions. C'est vraiment important, ça, parce que sinon, la personne aidante, l'intervenant, quel qu'il soit, va devenir, aux yeux de la victime, l'agresseur. Puisque finalement, l'agresseur, ce qu'il fait, c'est endoctriner, c'est dire à la victime ce qu'elle doit faire. Donc, il n'est pas question de lui dire ce qu'elle doit faire, mais de l'aider à prendre conscience de ce qui ne va pas en elle, dans son comportement, dans son état, de ce qui a changé dans son environnement, etc. Par des questions ouvertes. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que, pour, pourquoi, comment. Et réapprendre tout un mécanisme de pensée par soi-même, d'évaluer. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est traumatisé, c'est le préfrontal qui est bloqué, donc tout l'avant du cerveau, donc le cerveau reptilien à l'arrière, il commande les comportements de survie, mais le préfrontal, lui, est bloqué par l'excès d'adrénaline de stress, et donc les capacités d'analyse, elles sont bloquées. C'est pour ça qu'on commence par la sécurisation, sécuriser le corps pour remettre en route le préfrontal, les capacités d'analyse, de prise de recul, qui permettent alors de se dire « Ah oui, quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et voilà, donc petit à petit, de retrouver son esprit critique parce que le corps est sécurisé, parce qu'on a en face de soi quelqu'un qui a de l'empathie, qui est soutenant, qui n'est pas jugeant et qui est capable d'avoir une attitude encourageant finalement la prise de recul et donc finalement progressivement la sortie de l'emprise. Merci beaucoup pour vos éclaircissements, Christine Calonne, sur ce sujet. Un syndrome méconnu, mais pourtant très important, et on a vu jusqu'où peuvent aller malheureusement les conséquences. Donc, si vous vivez dans une situation difficile et que vous en souffrez, il ne faut surtout pas hésiter à consulter. On l'a dit, il ne faut pas attendre. Parce que voilà, un professionnel saura justement identifier les causes et puis adapter justement le genre de thérapie. Christine Calonne, vous proposez vous-même justement des consultations. Comment faire pour vous contacter ? Alors, pour me contacter, le plus simple, c'est d'écrire sur mon site internet psychothérapie-calonne.be. Il y a un formulaire contact où on peut m'expliquer la situation, noter ses coordonnées, je vous réponds. Et donc, c'est le moyen le plus simple de me contacter. Vous pouvez aussi lire les livres que j'ai écrits et où je peux peut-être vous donner l'impulsion pour demander de l'aide, parce que souvent chez les victimes, ce n'est pas facile de demander de l'aide, on a perdu confiance en l'autre. Et parfois, la lecture peut aider à retrouver confiance, à se dire « Ah oui, là, peut-être que je vais être compris », et ça peut aider. Exactement. Et donc, voilà. Donc, il y a deux livres que je recommande pour introduire au sujet. C'est « Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme » dans la collection 100, questions-réponses chez Ellipse, et « Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme » dans la collection « Récits et témoignages », également aux éditions Ellipse. Eh bien, merci beaucoup. Effectivement, je remettrai toutes les informations, que ce soit pour vous rejoindre ou pour vous procurer le livre de Christine Calonne, dans le descriptif de la vidéo. Un immense merci. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet tout aussi fascinant. Et merci surtout à toutes et à tous, de nous avoir suivis. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.